Oh yeah. On va leur dire qu'on kiffe les bons spliffs pour les go. Et les gars chez nous élégants, mixent tout dans les pis illégaux. Et les gants de côté, on met un doigt à la justice sans pour sans violence, sans la rage dans le sang. Tu comment j'attends, tu, je suis pas un mec quelconque. PHL, on y a tu, on va niquer quelques cons. Ils comprennent pas pourquoi le système on défonce. Pourquoi on s'effonce, comme s'il y avait de la place pour les foncer. Je veux voir des mecs qui me disent, t'as pas 10 balles, moi je préfère mettre une balle que Mandy était trop sale. Des risques pour les prisonniers qui rêvent de 4-4-PM. Ils savent mettre les tasses à 4 pas de la haine. On l'enfuit dans le froc, man. C'est chaud, man. Le fric donne la trique dans tous les domaines. Mon commis balé misatou. Moi n'a qui ni m'poté. Yo, yo, dealer. Que dans le rap, y'a des bons et des mauvais. Position le but, qu'y'a des mots vrais. Pour le mec, pas de faire ça. Que du fils, one love à la RDC. C'est quelques mots suffisent. 9-2-9-4, ils n'ont fait la force. Et ça, je suis au dernier supplice, fils. Et ça, bongo. Quand la RD, bongo, se place, c'est posé. Armé jusqu'au dos, parce que tu dois supposer. Le mal est resté par le mapé. Les moulinots, pour la paix. Notre vie se déroule en une sale beauté. C'est pas parce que je me souviens qu'on va me saboter. A force, j'ai la haine fonctionnée. Le rap pour moi, c'est inné. C'est les meutes et y'a plus de raminé. Allez leur dire que j'aime les mots. Des mots animés, pas pour tes démos. Allez leur dire R n'est pas du tout jumeau. Allez leur dire R soit en aucun de tes mots. Allez leur dire j'ai testé mes complots. Les miens prennent garde à vie sortir avec des bleus. La crème te vaut sur un bleu. Sous alcool depuis que j'ai perdu mes dents clés. Pourquoi tant de haine, pourquoi c'est si ma tauderai. Y'a trop de VIP, passez d'HLM, passez d'un TM. Cicatrice dans notre putain de haine. Quiconque vit à la droite du diable comme un château de sable. Yerissabango, Zahir, hier, yeah. RDC aujourd'hui. Le nom change mais l'impact est toujours la même. Yerissabango, Bazamabe, Doza Kitoko, Bazanase, Doza Likolo. De Paris à Kinshasa, de Percy au stade des martyrs. Si tu portes le mal, tire-toi. 5 mercenaires, Bokolela, RDC, Lokamakasi, Bokondima. Si on vide la lettre de motive et le CV. Hey yo, sur speed c'est cramé comme 5Z dans un BMW. J't'affirme les dièses, le fric juste pour la frime. Pour les tireurs des primes, les casseurs des vitrines. Quelques mesures pour affirmer la rage et obtenir une gloire qu'on mérite. Et c'est de la galère qu'on hérite. 100% causaille, matière représailles. Nové la bango. Allez leur dire que j'aime les mots. Des mots animés, pas pour tes démos. Allez leur dire R n'est pas du tout jumeau. Allez leur dire R soit en aucun de tes mots. Allez leur dire que j'aime les mots. Des mots animés, pas pour allez leur dire R n'est ouais. pas du tout jumeau. Allez leur dire R soit en aucun de tes mots. Allez leur dire que j'aime les mots. Des mots animés pas pour tes démos. Allez leur dire R n'est pas du tout jumeau. Allez leur dire R soit en aucun de tes mots. Allez leur dire que j'aime les mots. Des mots animés pas pour tes démos. Allez leur dire R n'est pas du tout jumeau. Allez leur dire